Il y a des jours quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond d'un rêve. Et puis soudain, lorsque le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant, quand on les rouvre tout est comme avant. Les gens vous voient mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Comme au milieu d'un cinéma désert, on rembobine et tout passe à l'envers. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Da-da. Son cœur à tous les vents qui passent, et qu'un matin tous les chagrins s'effacent, pour oublier dans le bonheur qu'on donne, qu'il y a des jours où on n'est plus personne, qu'il y a des jours où quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond du rêve. Et s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours où l'on n'a plus.